Didier de Molin est d'origine belge. Oui, je le suis même. Didier fait un très très gros travail sur de la description des langues bantoues d'un côté et sur la phonétique de l'autre. Il a une cinquantaine d'autres cordes à son arc, mais vous les découvrirez au fur et à mesure de son exposé. C'est la suite du séminaire que nous avons engagé il y a 2 ans maintenant, enfin c'est la 3e année, autour de la notion de document sonore. Didier nous avait proposé plusieurs possibilités. On lui a dit, tu nous parles de ce qui te semble le plus intéressant, et donc je te laisse la parole pour présenter les choses. Tu peux dire un mot si tu veux au tout début de ton laboratoire, si tu le souhaites, tu en parleras mieux que moi, et si tu penses que c'est pas la peine, tu enchaînes directement. Très bien, ben, écoute, merci. D'abord, merci de m'avoir invité, je suis vraiment ravi d'être ici. Quand Gabriel m'a invité, j'étais ravi. Et puis je me suis dit, mais quelle bêtise j'ai fait d'accepter ça, parce que je me suis lancé dans quelque chose que je n'ai jamais systématisé. C'était des choses sur lesquelles je travaille depuis longtemps, sur des vieux rouleaux de cire qui concernent le langage et la musique en Afrique. Donc j'ai essayé de remettre mes idées en place par rapport à tout ça. Et je vais essayer de vous montrer deux, trois petites choses. Donc il y a 3 grands thèmes de ce que je voudrais discuter avec vous aujourd'hui. Le premier, c'est sur les langues Khoisan qui existent en Afrique du Sud. Donc c'est les langues, en gros, des Bochimans, sur lesquelles il y a un certain nombre de choses extrêmement intéressantes à dire. Donc j'ai des documents que je voudrais vous montrer, dont je voudrais vous parler. Et puis je vous parlerai d'une mission qui a été faite en 1910-1912 dans le nord-est du Congo, à la demande du gouvernement belge à l'époque, qui voulait faire un survol ethnographique. Enfin, je vous en parlerai un peu plus en détail tout à l'heure. Il y a des documents extrêmement intéressants qui viennent sur la musique de la région à ce moment-là. Et puis, je vous parlerai un petit peu de ce qui se passe à Grenoble par rapport aux documents anciens. Donc, je ne parlerai pas du laboratoire, je ne ferai pas de mauvaise ou bonne propagande. Je vous parlerai un petit peu du centre de dialectologie, où il y a un certain nombre de choses intéressantes qui existent dans les documents anciens. Voilà, donc, vous m'interrompez évidemment quand vous voulez, on n'est pas beaucoup, donc on peut faire ça sous forme ouverte. Alors, donc, pourquoi est-ce que je parle des langues Khoisan du Kalahari? D'abord parce que je travaille dessus depuis un certain temps. Ce sont des langues qui sont quand même extraordinairement intéressantes, indépendamment du fait qu'il y ait des clics. Je vous parlerai un petit peu de clics tout à l'heure, mais indépendamment du fait qu'il y ait des clics dans ces langues-là, ce sont des langues qui sont extraordinairement intéressantes du point de vue phonétique, du point de vue phonologique, du point de vue syntaxique. Et aujourd'hui, il reste un peu moins d'un million de locuteurs de ces langues-là. Et au plus, encore une trentaine de langues. Ça va peut-être vous étonner, mais on n'est pas capable de dire combien de langues il reste vraiment chez les Bochimans aujourd'hui. Donc, la région géographique est pas, elle est assez grande, mais elle n'est pas immense. Mais pour toutes sortes de raisons politiques, on n'a toujours pas réussi à faire un inventaire complet des langues parlées par les Bochimans. On a découvert récemment dans le sud de l'Angola qu'il y avait un certain nombre de langues qui n'avaient jamais été répertoriées. Il y en a encore en Namibie et au Botswana dont on se dit est-ce qu'elles existent encore, est-ce qu'elles n'existent pas. Donc c'est un point sur lequel on ne peut pas trancher aujourd'hui. Mais pour l'histoire de l'Afrique et pour l'histoire de ces langues-là, ça a des conséquences relativement importantes. Alors, de savoir sur ce... c'est un des objets les plus complexes qu'on connaît, donc je vous montre quelques photos en passant d'un endroit qui s'appelle Lone Tree, c'est du bush assez bas. Lone Tree, il y a un seul grand arbre, donc ça c'est pas considéré comme des arbres dans la région, donc c'est au milieu du désert du Kalahari dans la période mouillée, humide, donc c'est quelques semaines par an, avec la personne que vous allez voir ici. Donc ça c'est autre chose, c'est deux personnes, donc c'est Tony Trail avec qui j'ai travaillé, Tony Trail que personnellement je considère comme de très loin le plus grand phonéticien du XXe siècle, c'est quelqu'un qui a fait un travail absolument extraordinaire sur ces langues-là, tant dans un laboratoire que hors du laboratoire. Donc ça c'est les conditions dans lesquelles on travaillait il y a encore une dizaine d'années dans le désert du Kalahari, donc il fallait amener une petite table et avoir ses propres ressources de tout pour pouvoir travailler. Voilà, donc en fait on a enregistré pas mal de choses avec Tony, et c'est surtout Tony, moi j'ai quasiment rien fait là-dessus, mais Tony a beaucoup travaillé, donc moi je suis en train de retravailler maintenant sur ces langues-là, sur un projet avec des collègues allemands et japonais. Alors, la description, ce qu'il faut savoir sur les langues des Bochimans, je travaille dans un gros laboratoire à Grenoble qui est Gipsa, qui est un laboratoire où on travaille par exemple sur la production de la parole. Et si on évalue ce qu'on connaît aujourd'hui sur la production et la perception de la parole, je pense sans mentir que 50% de ce qu'on connaît sur la production de la parole, sur les variétés, sur les capacités de production de la parole chez l'homme, viennent du fait qu'on a étudié ces langues-là dès le début du XXe siècle. Donc la contribution des langues des bâtiments est une contribution majeure à la compréhension de la production de la parole humaine, des mécanismes de production de la parole. Les premières études ont été faites avant des études sur les langues indo-européennes, parce qu'il y avait à l'université de Witwatersrand, et en tout cas autour de Johannesburg, tout au début du XXe siècle, une série de gens qui avaient été formés à Londres, qui ont commencé à travailler sur ces langues-là, et qui, tout au long du XXe siècle, ont développé des études extrêmement pointues sur les langues des Bushimans. Donc, la première étude de rayon X qui a jamais été faite sur une langue humaine a été faite en Zoulou et sur une langue des Bushimans qui a disparu aujourd'hui, bien avant la fameuse étude de Russell sur les voyelles de l'anglais américain. Donc, il y a toutes sortes de choses où les études sur les Bushimans ont précédé, puis comme, excusez-moi du terme, mais vous mettez des guillemets, hein, comme c'était que des sauvages, ben on ne s'est plus très préoccupé de la chose et on a un peu oublié ce genre de choses-là. Alors, donc ça a été une contribution majeure à la compréhension des mécanismes de production de la parole humaine, les études sur les bâtiments. Et petite anecdote en passant, si vous avez vu le film Les dieux sont tombés sur la tête, vous avez deux des héros du film Les dieux sont tombés sur la tête il y a une dizaine d'années dans le Calari avec qui on a continué à travailler. Tu n'auras pas mis une bouteille de coca? Non, je pense que. Pour la petite anecdote, je pense qu'on a un petit peu de temps, je peux raconter de temps en temps une anecdote. Donc ce monsieur-là qui avait travaillé pour Hollywood, quand il est revenu là, il voulait acheter un avion. Et puis on lui a expliqué qu'un avion, ça s'apprenait à piloter, qu'il fallait une piste, qu'il fallait un avion, qu'il fallait l'entretenir. Puis finalement, il s'est dit, au fond, j'ai pas besoin d'un avion. Puis comme il y avait plein de problèmes avec les fermiers Tswana qu'il y avait dans la région, où en gros, encore aujourd'hui, je pense, on a le droit de battre sans sommation toute personne qui chasse sur un territoire de fermiers. Lui a décidé qu'avec l'argent qu'il avait, il achetait le maximum du territoire qu'il pouvait pour qu'on leur foute la paix sur ce territoire-là. Donc c'est pour ça qu'il vit à peu près dans cet environnement-là. Mais donc, c'est quelqu'un qui était assez extraordinaire. Donc il s'est acheté un vélo. Et il est très content avec son vélo. Voilà. C'est voilà, petite histoire. Donc sur les langues des Bushimans, il y a, sur une situation, je dirais, linguistique et historique, des choses étonnantes. D'abord, parce que il y a un grand débat aujourd'hui sur l'ancienneté de ces langues-là, l'ancienneté de ces traditions, et avec les fameuses études qu'on fait sur la génétique des populations, on a l'air de dire que, comme c'est une des souches les plus anciennes de l'humanité, les clics, nécessairement, seraient des sons anciens de l'humanité. Moi, je pense que c'est une vaste blague. Vous faites tous des clics tous les jours. La seule chose qu'il y a, c'est qu'on ne les catégorise pas dans nos langues, je pense que la raison pour laquelle on ne catégorise pas les clics dans la plupart des langues du monde, c'est simplement parce que la coarticulation d'un clic, on ne coarticule pas les clics avec autre chose, et je vous montrerai quelques exemples. C'est relativement complexe d'articuler des clics avec des voyelles antérieures, par exemple, ou avec des consonnes qui ne sont pas des consonnes postérieures. Donc il y a plein de raisons pour lesquelles c'est pas très économique de faire des clics, mais bon, les bâtiments les font. Alors, il y a autre chose qui est intéressante sur l'histoire. Je vais vous montrer une autre carte dans un instant. Donc, il y a, quand on parle de Khoisan, ça veut dire qu'il y a un groupe qu'on appelle les Kwe, qu'on appelait traditionnellement les Hottentots, qui étaient des gens qui étaient plus ou moins des pasteurs, et puis les San eux-mêmes, qui sont les chasseurs-cueilleurs. Alors, ce qu'on trouve aujourd'hui, c'est trois groupes. Donc, vous avez la famille centrale Khoisan, la famille nord Khoisan et la famille sud Khoisan. Alors, si vous regardez cette répartition géographique, est assez énorme. Aujourd'hui, dans la famille sud Khoisan, il reste une langue, qui est le Kon, sur lequel moi je travaille maintenant. Il reste le Nama, aujourd'hui, dans la famille centrale Khoisan, et beaucoup de langues Kwe. Donc, j'ai un collègue japonais qui travaille sur le Kwe, qui se trouve ici. Donc, il y a toute une série de langues qui existent, et encore beaucoup en Namibie. Et puis vous avez le Jou, ça c'est les personnes des dieux sont tombés sur la tête, et une série de langues qu'on n'a pas encore vraiment répertoriées dans cette région-ci, dans tout le Nord. Alors ce qui est intéressant à regarder, c'est que historiquement, si vous regardez les différences entre les Khoisan du Nord, les Khoisan du Centre et les Khoisan du Sud, les Khoisan qui se trouvent au centre en rouge, ça ce sont les Namas qui sont plus ou moins des pasteurs. Ils parlent des langues à clic. Et on trouve des langues acriques dans cette région-ci de la Tanzanie, chez les Sandawi et chez les Hadza, qui sont à des milliers de kilomètres des bâtiments de l'Afrique du Sud. Et il y a un lien génétique, linguistique entre les deux. Le lien génétique qui existe entre les Khoisan d'Afrique du Sud et ceux qui se trouvent en Tanzanie, c'est pas avec les San, mais c'est avec les Nama. Donc il y a quelque chose qui est relié au monde pastoral. Donc cette civilisation, les civilisations de l'Afrique de l'Est, c'est des civilisations essentiellement pastorales. Donc il y a un lien manifeste entre les deux. Il y a beaucoup d'approximations dans ce que je dis parce qu'on ne peut pas vraiment l'expliquer aujourd'hui. Mais si on regarde d'autres cartes que je n'ai pas prises aujourd'hui, parce que je ne voulais pas vous ennuyer avec trop de détails sur ces choses-là, c'est que la région qu'on a ici, donc qui est donnée en rouge, c'est la seule région où il n'y a pas de mouche tsetse. Donc manifestement, les migrations qui se sont faites vers le sud de Pasteur, ben, ils pouvaient passer là où il n'y avait pas de mouche tsetse, où en fait, donc cette maladie qui donnait la maladie du sommeil permettait de se déplacer avec du bétail. Et donc les autres régions en vert et en bleu, ça c'est les régions de chasseurs-cueilleurs, hein, proprement dit. Donc ça c'est une des choses qui était intéressante, c'est que ben, l'histoire, de connaître ces langues-là, ça permet d'expliquer l'histoire de la partie sud du continent et de sortir des vieilles caricatures en disant les Bushmen seuls, isolés depuis toujours, ce sont des gens qu'on a repoussés dans cette région-là par l'immigration d'autres populations. Alors, ben, bon, ça c'est les conditions de travail, donc vous avez Tony Trill maintenant de face, en 96, il venait de publier un dictionnaire sur le pont. On était en train de traduire des textes oraux, donc on a toute une série de banques de... Et Tony a fait un travail, juste après ça, qui a été assez extraordinaire. Je vais d'abord vous montrer des clics dans une conversation comme ça, je pourrais vous montrer ce que c'est des clics pour de bon. Il a fait un travail de reconstitution de toutes les langues anciennes parlées par les Bushmen dans le Kalahari, en réunissant toutes les archives sonores qu'il pouvait, pour faire un travail que je vais vous montrer dans un instant. Donc juste pour vous montrer à quoi ça ressemble des clics dans un bout de conversation, voici. Je peux vous le repasser un bout de temps. Donc il n'y a pas de bruit autre que des clics dedans. Donc il y a un petit peu de souffle parce que la transition. Alors. Ben, vous n'entendrez que des clics. Alors, je ne sais pas pourquoi ça ne repart pas maintenant. Aïe. Je ne sais pas, ce bout de fil m'a toujours ennuyé, même dans la préparation de cet exposé. Et je vais devoir sortir de ça. Bon, attendez, je suis obligé de faire malheureusement quelque chose qui va nous faire perdre quelques minutes. J'ai pas le choix, je sais pas, j'ai eu ça avant-hier en finissant la préparation de l'exposé, en mettant le bout de film. Chaque fois que je le repasse une deuxième fois, il bloque toute la présentation. Bon, excusez-moi. Enfin, vous avez entendu des clics comme ça. Il n'y a pas un seul bruit autre que la production des clics là-dedans, il y a juste le bruit de fond. Ça vous donne une idée de ce que c'est que parler une langue à clics dans ce cas-là, évidemment. Alors, on va revenir sur notre présentation. Et donc, ce que Tony a fait, dans les années, dans le début des années 90, lui s'est dit que c'était, évidemment, on va avoir tout à droit à toutes les sottises des réseaux qui vont réapparaître, mais donc ce que lui avait fait, c'est dire, est-ce qu'on pourrait, pour reconstituer l'histoire, la comparaison donc, des langues entre elles, récupérer toutes sortes de documents anciens. Donc, il y a des documents anciens qui existaient. Et comme les Bushmen quand même ont été très menacés déjà depuis le début du XXe siècle, il a récupéré des choses tout à fait étonnantes sur des langues dont on a pu avoir des traces et qui permettent de refaire de la comparative historique sur des langues qui n'existent plus aujourd'hui, c'est avec des locuteurs qui n'existent plus aujourd'hui, mais qui permettent de faire un travail comparatif historique vraiment intéressant. Je suis désolé, mais c'est un ordinateur de labo et donc il y a des choses bizarres. Alors, je suppose qu'on va faire ça comme ça. On va pouvoir revenir sur nos moutons. Voilà. Et voilà, on est de retour chez les Bushmen. Je vais passer ceci. Alors, juste, donc ce que Tony a fait, c'est essayer de reconstituer des choses sur base de documents anciens. Donc, comme l'objet du séminaire, c'est des documents sonores. Je vais vous en montrer un certain nombre. Juste pour situer les choses et pour terminer sur les clics, et sans vouloir intimider personne, donc je suis phonéticien, et je sais que les phonéticiens sont des gens souvent très ennuyeux pour ceux qui ne le sont pas. Je vous promets que je ne serai pas ennuyeux aujourd'hui. Donc c'est sur une langue qui est le kong, dans ce cas-là, qui est une langue qui est parlée en Namibie, qui est une langue où il y a 141 phonèmes différents, ce qui est quand même assez intéressant. Donc vous avez ici les phonèmes, donc les consonnes pulmoniques, donc les consonnes qui sont produites avec l'air qui vient des poumons. Donc si vous regardez ça, il n'y a rien de particulièrement extraordinaire. Il y a de temps en temps, ben, il y a toutes sortes de nasales complexes qu'on peut avoir, mais qu'on trouve dans plein d'autres langues africaines, des consonnes aspirées, etc., des relâchements velaires. Et puis vous avez ici, en fait, les consonnes non pulmoniques, c'est-à-dire tout ce qui concerne les clics. Donc il y a 5 clics de basse, qui est le clic bilabial, le clic dental, le clic latéral, le clic alvéolaire et le clic palatal. Et donc tout ça se combine avec des voyelles postérieures et un certain nombre d'autres éléments. Alors ce qui est intéressant aussi à regarder dans ces langues-là, c'est qu'il y a, si vous regardez les voyelles, vous avez 5 timbres vocaliques de base, I, E, A, O, U, rien d'extraordinaire, c'est le système le plus commun qu'on trouve dans les langues du monde. Plus de 90 mots, des 90% des mots qu'on trouve dans ces langues-là sont articulés avec des voyelles postérieures. Simplement, c'est quand vous faites un clic, vous devez faire une occlusion à l'arrière de la bouche. Si vous voulez, je peux vous faire une démonstration après, mais je ne voulais pas devenir phonéticien, donc j'essaie de me retenir un maximum. Et donc, vous avez une occlusion à l'arrière de la bouche et une à l'avant de la bouche. Et pendant la double occlusion, il y a une poche d'air qui se fait, qui augmente de volume. Et si vous relâchez la partie antérieure avant la partie postérieure, ça crée une petite dépression. Donc, la double occlusion, vous descendez, donc il y a une dépression qui va se faire dans ce volume d'air. Si vous relâchez la partie antérieure avant la partie postérieure pour faire un clic alvéolaire que tout le monde fait très facilement, c'est le bruit, en fait, vient de l'air qui rentre dans le conduit vocal. Voilà. Et donc ça, ça fait que la langue, elle est en contact avec l'arrière de la bouche beaucoup plus longtemps que la partie antérieure. Et donc ça a des contraintes articulatoires très fortes qui fait qu'on va favoriser essentiellement les voyelles postérieures. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs, dans une bonne définition phonologique, la contrainte sur les voyelles postérieures qu'on a dans toutes les langues d'ébauchement et qui est liée à des problèmes de coarticulation. Voilà. Donc ce que Tony a fait, il a publié un petit travail que je trouve assez extraordinaire pour des linguistes, pour des gens qui travaillent sur l'histoire et sur toutes sortes d'autres aspects de ces langues-là. Si vous le voulez, je peux vous le donner en plus de la présentation PowerPoint. J'en ai un PDF qui est tout à fait diffusable, l'Université de Witwatersrand. Le permet, je peux même vous donner le CD entier qui, c'est pour vous mettre sur les archives qui va avec ça. Donc en fait, c'est le département de linguistique de l'Université de Witwatersrand qui avait permis de récupérer tout ça et qui a permis de publier ça. Donc c'est pas toujours très facile de publier ce genre de travail-là. Donc ce que lui a fait, c'est publier tout ce qu'il y avait comme documentation intéressante sur les langues khoisan éteintes et qui permettait de faire un travail de reconstitution historique. Alors là-dedans, ce qu'on a, c'est par exemple des descriptions de l'inventaire de langues qui sont entre les langues d'ébauchement et les langues bantoues. Alors on a ici par exemple une langue qu'on appelle le Kwegi, c'est ça que ça s'appelle, où il y a à peu près un même nombre de clics et de non-clics, ce qui est assez rare là-dedans. Donc je vais vous donner un petit exemple de ça, c'est des rouleaux de cire, ceci. Alors, si tout va bien. Je raconte une histoire. Je ne peux pas vous le traduire. Voilà. Donc, ce qui était intéressant dans ce document-là, c'est qu'en fait, d'abord, ce sont des rouleaux qui ont été relativement bien conservés. Il y a très peu de bruit qui accompagne. Et ça, c'est une chose étonnante. Alors, je n'ai pas pu résister à vous montrer quelque chose que vous avez sûrement tous vécu ou subi en suivant des cours de phonétique. C'est l'histoire du vent du Nord. Donc, si vous regardez les anciennes publications du journal d'association phonétique internationale, et je pense que ça date déjà du temps de Paul Passy, cette tradition-là, où on faisait, donc on devait donner une traduction dans chacune des langues qui étaient étudiées dans le monde, de l'histoire du vent, du récit du vent du Nord, etc. Donc en fait, ça a été fait dans ce cas-ci en 1954 avec un des derniers, ou le dernier survivant de Nagui. Et donc, ce qu'il valait entendre maintenant, c'est l'histoire du vent du Nord racontée dans cette langue. Je ne peux pas résister avant de vous le montrer, parce qu'on a toujours trouvé ça absurde dans toute une série de langues, mais même les Boshimans ont fait ça dans les années 50. Voilà, écoutez ceci, ça ne dure pas très longtemps, et vous avez la traduction, s'il vous plaît. Je vais vous le faire entendre jusqu'au bout quand même, ça ne dure pas très longtemps. Voilà. Donc vous avez, en fait, je me demande ce que les Boshimans devaient comprendre l'histoire du vent du Nord et du Soleil, mais n'empêche qu'on a un texte qui correspond mot à mot à ce genre de genre de choses. Alors dans les autres choses que Tony avait trouvées, c'était tout un certain nombre d'autres choses, par exemple des systèmes sonores de langues qui ont aujourd'hui complètement disparu du paysage sud-africain. Voilà par exemple un système où on a une série de clics, un système de clics qu'on ne retrouve plus dans aucune des langues aujourd'hui, qui est extrêmement intéressant pour des raisons de comparatif historique. Et on a dans une langue qui s'appelle le Kora, une chose étonnante qui a été reconstituée aussi. Ça c'est assez ancien aussi, mais qui est intéressant à voir, parce que la personne qui a fait ça à l'époque avait fait les traductions entre donc la langue des Boshimans, l'anglais et l'afrikaans. Donc on a une correspondance entre les trois. Et donc ce que vous allez entendre, c'est chaque fois un mot ici, dont le mot pour le chacal, qui va être prononcé avec le clic que vous avez là. Donc je pense qu'on va horizontalement, je pense que ça vaut la peine d'écouter ça une fois. Voilà. Voilà. Donc on devait donner les mots afrikaans parce que les Boshimans ne parlaient que l'afrikaans ou la langue des Boshimans, ils ne parlaient pas l'anglais. Ça vous donne une petite idée. Donc c'est juste avec une série restreinte de clics. Donc, si vous allez dans le désert du Kalahari et que vous essayez de travailler sur une de ces langues-là, le travail d'audition qu'il y a à faire, il est assez infernal. Moi, j'ai travaillé là-dedans, avec une de ces langues-là, je continue à travailler maintenant. J'ai chaque fois l'impression, pendant les 15 premiers jours que je suis là, que je suis devenu sourd, que j'entends plus rien du tout. C'est vraiment effrayant le niveau de détail qu'il peut y avoir. Donc, on peut avoir des relâchements aspirés, des relâchements vélaires, des relâchements glottaux. C'est extraordinairement complexe comme système. Bon, je pense que ça vaut la peine d'écouter une fois ce genre de choses. Alors, ça a permis de faire, je ne vais pas vous faire un grand cours là-dessus, mais par exemple, la langue dont on vient d'entendre les clics, qui est voilà, hein, donc, on a le Kapkwe qui n'existe plus. C'est une langue qui a complètement disparu, dont on a des traces historiques, et le Nama qui existe encore aujourd'hui. Donc ces deux langues-là n'existent plus, mais on a pu les reconstituer à partir du travail de restitution de trail, à partir de tous ces rouleaux de scie, et donc pour faire du travail de comparatif historique, et donc pour pouvoir reconstituer, faire un travail de comparatif classique, on arrive à partir de ce travail-là, et des documents sonores anciens, de pouvoir combler des trous dont on sait que les langues existaient, mais dont on n'a plus de traces, et on a pu retrouver des traces. Donc, parler de documents sonores et de l'intérêt de documents sonores, mais dans ce cas-là, ça permet vraiment de restituer un travail de comparatif historique qu'on n'aurait jamais pu faire autrement. Voilà, bon, ça c'est ce que je voulais vous montrer à propos des clics et des langues de l'Afrique du Sud. Alors la deuxième chose, je vous laisserai les deux documents, donc comme ça vous pouvez le regarder en détail si vous voulez. Je peux le passer, je peux pas passer trop de temps dessus. Alors la deuxième chose que j'ai retrouvée récemment à propos de documents anciens qui a permis de résoudre un certain nombre de choses anciennes, c'est une mission ethnographique qui est faite dans l'Ouélé, qui est vraiment à la partie nord du Congo Kinshasa actuel. Et elle a été faite par un commandant belge, qui était un militaire, qu'on avait envoyé faire un relevé ethnographique de la partie nord du Congo, parce qu'à l'époque, l'Angleterre et la Belgique se bagarraient pour fixer les frontières de leurs territoires respectifs. Et donc ce commandant militaire, qui était, je ne sais pas exactement ce qu'il avait dans la tête, mais il n'était pas tout à fait un militaire à mon avis, et son... donc, était le directeur du conservatoire de musique de Bruxelles. Et donc, lui avait dit, puisque tu vas faire ça, je te donne deux machines de rouleaux Edison et deux caisses de rouleaux Edison. Et dans chaque village où tu vas, tu enregistres un rouleau avec chaque instrument de musique et tu fais conjuguer des verbes et tu enregistres des phrases dans chacune des langues que tu as. Et donc, on a pu récupérer des tas de documents très anciens sur des langues, certaines d'entre elles, dont on n'a plus de traces aujourd'hui, mais je ne suis pas convaincu qu'elles ont vraiment disparu, mais on a des choses tout à fait étonnantes. Donc en fait, on a une collection de rouleaux de cire qui aujourd'hui sont assez difficiles à écouter, donc je ne vais pas vous infliger des grattements, mais je vous donnerai des sons, des choses intéressantes à écouter. Alors vous avez par exemple des choses qui sont assez, aujourd'hui, qui nous font bondir évidemment, cris des nains pour rappeler le gibier, donc les nains ce sont les pygmées évidemment, donc, mais ils les appellent les pygmées ailleurs, donc une fois ils appellent les nains, une fois ils appellent les pygmées, c'est évidemment le vocabulaire de l'époque. Alors on a des choses comme celle-ci, donc il y a chacun des rouleaux est soigneusement noté dans un cahier, et vous avez ici des phrases en mangbetu. J'ai fait ma thèse de doctorat sur le mangbetu, donc je connais assez bien, c'est pour ça que j'ai pris des choses. Donc, le medjé c'est un dialecte du mangbetu, et donc je vais au village, il faut que je mette mes lunettes pour voir ça un peu plus précisément. Je vais au village du Hélé ou quelque chose comme ceci. Et donc vous avez je vais, tu vas, etc. Donc il faisait conjuguer des choses comme ça. Donc on a des notes linguistiques très précieuses et très anciennes. Alors vous avez des choses comme celle-ci qui sont tout à fait systématiques. Il y a des cahiers entiers et qui correspondent à tous les rouleaux qui correspondent à ça. Jamais personne n'a étudié ça de manière systématique. Moi, je l'ai refait à la fin de ma thèse parce que je me demandais si ça ne valait pas la peine de le regarder. Et j'ai pu trouver des choses, des détails intéressants qui permettaient de spécifier un certain nombre de choses que des vieux mangbetu me disaient et qui permettaient de tirer des choses sur des problèmes de conjugaison. Donc voilà, donc c'est... j'ai tué un singe hier, je tuerai un singe demain, etc. Donc vous avez un certain nombre de choses comme celle-là, mais qui permettent donc de conjuguer des verbes, et c'était fait par un militaire qui faisait un survol ethnographique, ce qui n'est pas tout à fait trivial. Alors il y a d'autres choses intéressantes qu'on a retrouvées là-dedans, et qui moi m'ont beaucoup servi au moment où j'ai fait mon doctorat. Par exemple, il notait donc des choses comme celle-ci, hein, « Tous les médiés verront la lune ce soir ». Bon, c'est-à-dire des phrases un peu plus intelligentes. Mais il faisait des petites remarques comme celle-ci, nota bene, Tekine se dit cette nuit et Nekine la nuit. Donc il avait des petites remarques assez intéressantes sur des nuances qui n'étaient pas tout à fait triviales dans cette langue-là. Et en plus, toutes les voyelles soulignées, c'était pour les voyelles plus ouvertes, et. Donc en fait, pour qu'il notait avec une précision. C'est quelqu'un qui n'avait aucune formation linguistique et fait un travail, une contribution tout à fait étonnante aux langues de la région qui n'a jamais été exploitée par personne, sauf des gens comme moi qui, pour des détails, ont été regardés autour de tout ça. Alors, il a fait un autre travail que moi je trouve assez étonnant sur la musique, donc puisqu'il était supposé enregistrer tout ce qu'il entendait. Et là, on a les premiers enregistrements de musique zandé, qui est une ethnie assez célèbre de la République centrafricaine et nord du Congo et sud du Soudan, qui est une énorme ethnie d'Afrique centrale, qui est très spécialisée dans les jeux de xylophones. Et on a par lui des preuves évidentes, par exemple, que tous les instruments de musique de la région étaient joués par pair. Donc on avait des harpes jouées par paire, des xylophones joués par paire, donc toujours un instrument masculin, un instrument féminin. Ça fait l'objet de spéculations par les anthropologues, mais on a par lui des preuves de tout ce, que tout ceci était vrai. Et alors on a reconstitué donc avec lui, avec le matériel des rouleaux de cire, j'ai reconstitué il y a quelques années, pour un disque que j'ai apporté, que je peux vous montrer après si vous voulez, avec une machine qu'on appelle l'archéophone, on a reconstitué en fait certains enregistrements. Je vais vous faire entendre l'enregistrement qui correspond à ce qui est joué par ces musiciens-ci, donc qui sont joués deux par deux, par deux musiciens simultanément, donc un instrument qu'on appelle le kpaningba. L'enregistrement. C'est pas mal restitué. Très intéressant, ça permet de reconstituer toutes sortes de choses historiques sur les échelles et sur les répertoires. Et des gens comme Éric de Dampierre, qui est assez célèbre, qui a travaillé dans cette région-là, a enregistré les mêmes musiques 70 ans plus tard, et on a pratiquement le même répertoire qui n'a quasiment pas changé. Alors on peut discuter sur les vitesses de défilement des enregistrements, ce genre de choses-là, mais il n'en reste pas moins que c'est extrêmement similaire. Voilà, donc ça c'est des musiques particulières. Alors, j'ai retrouvé ce qui est à ma connaissance le plus vieil enregistrement de musique de Pygmée qu'on a trouvé dans cette région-là. Et je peux même vous faire, je n'ai pas eu la présence d'esprit de le remettre, mais si vous voulez, après l'exposé, je peux vous faire entendre un enregistrement qui est presque similaire à celui que je vais vous faire entendre, que moi j'ai enregistré à peu près 80 ans après l'enregistrement original. Donc ça, c'est juste pour vous montrer des Pygmées de la forêt de l'Ituri au Congo où ça a été enregistré. Alors, on va écouter ceci. C'est des gros chœurs, donc ça passe pas très bien dans un cornet de... Et donc ça, c'est les premiers documents enregistrés qu'on a sur les Pygmées d'Afrique centrale, ou en tout cas de cette région du Congo, et ils sont extrêmement précieux musicalement et linguistiquement pour plein de raisons. Alors je ne peux pas résister à fait de vous montrer quelque chose maintenant. Vous avez tous lu Tintin au Congo, je ne porte pas de jugement sur Tintin au Congo, et on va discuter du contenu de l'époque de Tintin au Congo. Par contre, j'ai retrouvé quelque chose qui m'a complètement scié quand je l'ai trouvé, c'est ceci. Donc vous avez dans Tintin au Congo cette vue où il y a un missionnaire avec Tintin et des pagayeurs sur la rivière où elle est, qui chante cette chanson, et on peut se dire, est-ce que c'est né de l'imagination d'Hergé ou pas? Ben c'est pas né de l'imagination d'Hergé. Je vais vous faire entendre le rouleau de cire original qui correspond à ça. Alors, au-delà de cette anecdote-là, il y a quelque chose de très intéressant, c'est que le long de la rivière où elle est, il y avait toute une série de groupes de pêcheurs qu'on appelait les Amadis. Et les Amadis, personne ne connaissait leur langue, tout le monde se dit, mais qu'est-ce que... Quelle est la langue parlée par les Amadis le long de l'Ouélé? Donc, est-ce que c'est une langue ubangine, est-ce que c'est une langue soudanaise centrale, est-ce que c'est une langue bantoue? Mais à partir de ces enregistrements-là, on a pu établir de manière claire et nette que c'était des langues soudanaises centrales et qui donc étaient directement liées aux langues du groupe Mangbetu. Alors, je vais vous faire entendre ça. Si vous regardez bien les paroles qu'il y a ici et écoutez les premiers couplets du rouleau de tir. Bon, c'est pas le hasard, évidemment. Voilà. Donc, vous pouvez récupérer ça, je vous passerai l'enregistrement original, vous pouvez faire ça. Si vous êtes tintinologue, vous pouvez faire des tas de choses avec ça, mais je pense qu'au-delà de ça, c'est juste de l'anecdote. Par contre, historiquement, ce qui était intéressant, c'est que ces rouleaux-là ont permis vraiment d'établir quelle était la nature de la langue de ces Ahmadis dont personne n'avait jamais travaillé. Donc ça, c'est là qu'on est passé dans une dimension intéressante. C'est que pour des tas de raisons historiques, ces enregistrements ont permis de trancher toutes sortes de problèmes que des historiens comme Jan van Sina, qui est assez célèbre pour l'histoire orale qu'il a faite de cette région-là, vous disiez, tel groupe de population aurait probablement parlé une langue de cette nature-là, et ces enregistrements-là et ces notes-là permettent clairement d'établir leur filiation linguistique, ce qui n'est quand même pas tout à fait trivial pour l'histoire. Alors, le dernier point dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'était un petit peu un certain nombre de choses liées à des atlas linguistiques, plutôt que d'aller aussi loin qu'en Afrique centrale ou en Afrique du Sud. Il y a des tas de choses étonnantes en France. Je n'ai pas du tout la prétention de tout savoir ni de tout vous parler, mais depuis quelques années, je suis tombé dans une soupe à Grenoble où on a, je pense, 350 atlas différents qui concernent toutes sortes de langues et de familles de langues du monde. Donc j'en ai listé un certain nombre ici. Et à partir des documents anciens, on peut refaire des tas de choses sur l'histoire de la France. Par exemple, l'histoire du nom de la toupie, dont vous avez une répartition géographique ici. Il y a un atlas qu'on appelait l'atlas multimédia prosodique des langues romanes, dont je vais vous parler dans un instant. Et alors, le fameux atlas linguistique de France de Guilérion, et qui est tout sauf une trivialité, qui est vraiment quelque chose de très intéressant. Alors, les choses dont je voudrais vous parler, c'est, par exemple, sur les documents sonores anciens, il y a un travail qui, à mon avis, n'est pas assez connu, mais qui est assez fondamental. C'est le travail qui a été fait par un phonéticien, dialectologue sarde, mais qui est devenu français depuis, il vit en France depuis tellement longtemps qu'il se considère lui-même comme français, c'est Michel Contini, qui a travaillé sur une période de 40 ans, où il a, en fait, à partir de 214 points d'enquête qui couvrent la Sardaigne, donc Contini a fait des enregistrements pendant 40 ans sur 214 points d'enquête. Donc on a l'évolution historique d'un certain nombre de variantes sonores. Tout ceci vient d'être numérisé, et je ne peux pas vous donner une carte de Sardaigne avec des données numérisées, mais ça va être disponible très très vite, et je pense qu'il y a déjà probablement un certain nombre de choses disponibles si vous regardez le site à Grenoble. Et ça a été prolongé maintenant, donc Contini est à la retraite depuis quelques années, par une sarde, Maria Kossou, qui continue sur un nombre plus limité de points d'enquête et essaie de suivre l'évolution de ce. Et ça, c'est des choses au niveau des documents sonores et des documents sonores anciens. Bon, ça va faire 50 ans maintenant que ce travail a été commencé. C'est un des rares cas, à mon avis, où on peut suivre dans le temps l'évolution historique d'un certain nombre de variantes phonétiques, et voir un peu quelles sont les sources de ces changements, voir ce qui s'est passé. Donc ça, c'est vraiment du suivi en ligne d'un certain nombre de choses. Alors, sur le sarde, vous savez peut-être qu'il y a des constrictives latérales un peu bizarres. Je suis assez difficile à les produire moi-même, mais c'est, par exemple, c'est quelque chose comme ça, où vous avez une projection latérale de la lèvre à droite. Je ne sais pas pourquoi ça ne se fait pas à gauche. C'est quelque chose comme ça. Hein, donc, je vais vous en faire entendre une bien caricaturale qui se trouve ici. Alors, donc il faut le voir pour vraiment réaliser, mais c'est des choses qui sont tout à fait spécifiques du sarde. Donc je vous donnerai les enregistrements parce que je suis pas sûr que tout passera bien ici. Il faut, on entend ça un peu comme comme un L, mais c'est un L où il y a un mouvement des lèvres qui est tout à fait particulier, qui est propre au sarde, qui sont donc des caractéristiques phonétiques du sarde, qui sont intéressantes parce qu'elles sont reliées à des phénomènes de glottalisation, à des phénomènes de rotacisation, qui permettent de suivre des évolutions historiques tout à fait étonnantes. Et sur 50 ans, on peut montrer ce qui se passe dans les phénomènes de rotacisation et de glottalisation par rapport à ces sons-là. Donc, si ce genre de choses vous intéresse, je vous recommande vivement de regarder ça dans le détail. Alors l'autre chose dont je voulais vous parler, c'était qu'on a entrepris à Grenoble, je ne suis pas en train de faire de la pub à Grenoble, je suis en train de parler de France maintenant, donc on a entrepris de faire la numérisation de l'atlas linguistique de France. Donc on est en train de numériser toutes les cartes de l'atlas linguistique de France, avec un rêve ultime qui serait d'essayer de récupérer partout où on peut sur les points d'enquête qui correspondent à l'atlas linguistique de France. Donc vous avez les points d'enquête de l'atlas de Guillerion, donc qui avait fait quand même un mariage assez étonnant de la France à l'époque. On a pour certaines régions des enregistrements. On n'en a pas pour tout, malheureusement. Et donc le rêve, ce serait d'essayer de reconstituer un atlas parlant de la France à ce niveau-là. Je pense que ça restera de l'utopie, mais si on pouvait un jour le refaire ou reconstituer ça à partir de documents sonores, donc c'est plus un appel, là, si vous avez, vous qui êtes plus spécialisé que moi et que nous, en tout cas à Grenoble, sur ces choses-là, une idée où on pourrait retrouver des documents qui permettraient de refaire le maillage sonore de ça, ce serait vraiment formidable. Donc on fait des tas de choses autour de l'atlas, des données de l'atlas, mais on peut difficilement se mettre à faire autre chose que soit de récupérer des choses, soit à partir des transcriptions phonétiques qui étaient faites par Guillerion et ses collaborateurs, de demander à des bons phonéticiens de les reproduire en disant c'est une approximation. Donc ça, c'est probablement la chose qu'on va essayer de faire. C'est d'essayer pour chaque point d'enquête, avec les points de variation, qui est un travail colossal, hein, c'est de prendre des bons phonéticiens, de leur faire prononcer les choses, essayer de faire un atlas parlant à ce niveau-là, ce qui pourrait être intéressant, en tout cas pour un certain nombre de choses. Il y a documentation, et là où on aurait les variantes sonores, de les mettre en parallèle. Alors ça permet, par exemple aujourd'hui, là où on a quelques enregistrements sonores, et puis qu'on est dans le centre et qu'on est dans la région de la Loire, j'ai pas pu résister à l'idée de vous montrer ceci, qui est fait par une collègue, en fait, qui est spécialisée dans le travail sur les noms de toupies. Donc ça l'intéresse beaucoup, les toupies. Et donc elle a étudié les noms de toupies entre le lac Léman et l'océan Atlantique, dans la partie centre de la France. Donc c'est un petit peu petit, malheureusement, mais comme vous laisserez les choses, vous le verrez probablement un peu plus précisément. Mais vous avez, par exemple, les points en rouge où vous avez tepi, hein, qui vient de touffe de cheveux, puis vous avez en vert les points qui sont moine. Quel est le lien entre moine et toupie, je ne peux pas l'établir, je ne suis pas suffisamment expert, mais il y en a manifestement un au niveau sémantique. Pico, en jaune, je ne sais pas si ça se trouve. Puis vous avez Poiravira, donc c'est là. Poiravira est tout à fait dans la région Poitou-Charente, ici, le long de l'Atlantique. Puis vous avez Gabir, absence de données, et Sibo, absence de données aussi. Donc en fait, on a ces régions-ci qui sont données. Donc, et pour toutes sortes de mots, donc on a des choses comme ceci qu'on est en train de faire. Donc en fait, à partir de la tasse de Guillerion, et là où on a des données, on peut, avec la numérisation, reconstituer des choses comme ceci, et essayer de voir des évolutions qui permettent d'avoir des cartes d'isoglosses. Donc un des buts ultimes qu'on est en train de poursuivre, c'est celui-ci, c'est de faire des cartes d'isoglosses à partir de la désignation de la toupie sur toute la France. Donc ce que vous avez ici, c'est les points où on a des données et où vous pouvez regarder en fait des isoglosses sur les noms de toupies. Donc vous avez en vert le Poiravira dont je vous parlais, c'est les régions en vert. Pico, c'est le vert un peu plus clair. Gabi, c'est le vert encore plus clair. Puis Sibo, c'est celui-ci. Puis vous avez Mouen, c'est cette région-ci. Et puis vous avez donc toute une série de noms qu'on permet de reconstituer. Donc à partir de la numérisation de l'atlas de Guillerion, l'idée, c'est pas simplement de numériser l'atlas de Guillerion, c'est d'essayer de voir des isoglosses sur des noms qui permettent de reconstituer des évolutions historiques. Donc l'idéal, ce serait d'avoir des sons anciens pour ça. Donc encore une fois, si vous avez des idées où on peut trouver des choses qui permettraient de faire, on a des transcriptions phonétiques claires, hein, c'est comme ça qu'on peut faire ce genre de travail-là, mais si on pouvait faire un atlas parlant autour de ça, évidemment, ce serait une solution intéressante. Alors, il y a un autre atlas qui existe, qui est l'atlas Almura, qui a été mis au point par une de mes collègues, qui est Janine Médélis, à Grenoble. Je vais prendre peut-être... Donc, ce que je voudrais vous faire, c'est une démonstration de cet atlas-là, qui est un atlas parlant. Donc, puisqu'on parlait de choses sonores, j'aimerais bien vous montrer des choses sonores maintenant. Donc, ceci, c'est un atlas parlant. Alors, cet atlas parlant, il est disponible donc à l'adresse que vous avez là. C'est un atlas linguistique multimédia de la région Rhône-Alpes et des régions limitrophes. Et ce que vous pouvez faire là-dedans, ben, vous avez dans un menu déroulant, donc vous avez un thème. Donc je ne sais pas, je vais prendre les salutations, mais si vous voulez en avoir un, après je vous laisse le choix de me dire ce que vous avez envie d'entendre. Donc je vais prendre les salutations. Donc je vais choisir un mot. On va dire bonjour, je ne vais pas être très original maintenant. Et lorsque vous avez une carte donc, dans la région où ce qui est couverte, et là où vous avez la main, par exemple dans la région des contamines, vous allez entendre en principe. Tout va bien. Voilà. Bonjour, Monte qui bagne. Alors, c'est ici. Bonjour, Monte qui bagne. Donc, c'est un atlas parlant sur un certain nombre de thèmes comme ça. Alors, ici, l'atlas, donc l'Almura, est quelque chose qui reprend des données et contemporaines et assez anciennes déjà, puisqu'il y a des données qui viennent de bandes enregistrées qui ont déjà été faites par Gaston Thuaillon dans les années 60, 70, certainement, et peut-être même avant. Donc en fait, on a aussi de nouveau, sur des régions entières, des évolutions historiques possibles qu'on peut étudier. Donc c'est clair que le centre de dialectologie de Grenoble, auquel je ne suis pas lié historiquement, donc je ne connais pas un certain nombre de détails sur l'histoire, mais a un certain nombre d'intérêts pour justement étudier des variations assez fines. Par exemple, j'ai découvert récemment, on fait tous des cours de phonétique historique où on explique l'évolution de cabra vers chèvre en français. Mais vous avez dans cette région-ci, en France, donc elle couvre un petit peu plus que ce domaine-là, mais vous partez d'ici, en gros, de cette région-là, où vous avez encore cabra, et vous arrivez vers chèvre là, avec les évolutions intermédiaires, ce qui est quand même pas trivial non plus, pour des régions de dialectologie et de linguistique historique. Donc ces atlas parlants et régionaux, maintenant, avec les techniques modernes et sur les bases de données, les bases de sons, ont un intérêt qui est vraiment indéniable pour pouvoir faire du travail assez fin sur la variation, qu'elle soit dialectologique ou sociolinguistique. Bon, donc en fait, l'Almura fonctionne de cette manière-là. Vous avez l'adresse et je vous recommande d'aller regarder l'Almura, qui est en train de se faire réviser pour avoir un site internet qui sera plus intuitif que celui qui a été mis au point par ma collègue. Et alors, la dernière chose que je voulais vous montrer, c'était quelque chose que j'ai ici, que je vous laisserai aussi, qui est en fait un atlas multimédia prosodique des langues romanes, dans lequel un corpus de données a été fait pour étudier la prosodie des langues romanes à travers tout le domaine, donc qui va de la Roumanie à l'Amérique du Sud, donc où on a des choses sur le roumain, sur l'italien, sur le français, sur le portugais et sur l'espagnol. Et donc, je vous laisserai une copie de ça. Et ce que cet atlas fait, donc vous avez un DVD qui fonctionne là-dessus. Alors, on va regarder ça. Attendez un petit peu. Hop. Voilà. Donc celui-là ne dépend pas du réseau, donc on devrait plus avoir de problème. Voilà. Donc en fait, vous avez, donc c'est un DVD, le projet s'appelle Ampère. Donc c'est Atlas Multimédia Paramétrique de l'Espace Roman, exactement. Donc ça vient de cette petite chose-là que je voulais. Et donc il y a un CD qui va avec. Donc vous avez les points d'enquête d'Europe, les points d'enquête d'Amérique. Et donc ce que vous avez ici, bon, il y a toutes sortes de choses, d'informations qui vous sont données avec ça. Alors on devrait, si je n'ai pas fait de bêtises maintenant en cliquant dessus, arriver à... Alors je vais vous montrer comment ça fonctionne. Voilà, donc vous avez ça, c'est... donc ici... Vous avez les points d'enquête qui ont été établis. Vous allez voir qu'il n'y a que 3 points d'enquête en France et c'est assez... Les Espagnols... j'ai expliqué les choses. Donc sur les Roumains ont pas mal contribué. Les Portugais ont grandement contribué. Les Espagnols ont contribué, sauf les gens du parti centre de l'Espagne, qui pour des raisons de droit d'auteur, pour l'instant, ne veulent pas mettre leurs données à la disposition de tout le monde. Donc c'est un projet qui existe depuis une dizaine d'années, mais je pense que les négociations sont en cours et que ça va finir par se mettre en forme. Et en France, on n'a que 3 points d'enquête. parce qu'en fait, il n'y a pratiquement plus de dialectologues et ça n'intéresse pratiquement plus personne. Donc construire des enquêtes sur l'espace roman en France, c'est devenu vraiment très très difficile aujourd'hui. C'est assez dramatique. Donc on a maintenant quelques personnes qui ont dit qu'ils allaient s'y mettre, et, y compris des gens du LIMSI qui disent qu'ils vont collaborer. Donc j'espère que ça marchera. Donc sur l'Italie, il y a un certain nombre de points d'enquête qui n'ont pas encore été ajoutés, mais ça a été publié pour montrer l'état d'avancement du travail. Donc vous avez un certain nombre de phrases. Alors vous choisissez, par exemple, je ne sais pas, on va prendre la phrase numéro 10, et vous choisissez un point d'enquête. Je vais prendre un point d'enquête où j'ai à peu près la certitude qu'on devrait récupérer la phrase numéro 10. Et donc ça vous donne quelque chose comme ceci. Donc vous avez le point d'enquête qui est Monforte, le domaine linguistique, le portugais. Hein, donc vous avez le code du locuteur, le sexe du locuteur, c'est une femme, qui a réalisé l'enquête. Et alors vous avez une phrase déclarative et une phrase interrogative. Alors les phrases ont été faites pour étudier toutes sortes de contextes prosodiques, prosodiques romans. Donc vous avez la phrase en une première répétition, une deuxième répétition, une première répétition de la phrase, puis il y en avoir éventuellement plusieurs. Puis vous avez la phrase en synthèse pour étudier le contour prosodique. Donc ça donne ceci. Donc pour une fois. Avec la transcription phonétique. Alors si vous voulez regarder au point de vue rythmique et strictement prosodique, vous avez. Bon. Voilà. Et donc en fait la visualisation de ça, c'est ceci. Donc ça devrait arriver comme ça. Voilà. Vous avez en fait les contours prosodiques qui vont se donner. Donc la phrase déclarative est en rouge et la phrase interrogative est en bleu, et ça permet de regarder les patrons rythmiques prosodiques de l'espace roman. Quand ce sera tout à fait complet, je pense que ce sera intéressant pour vraiment faire de la comparaison de choses prosodiques. Je ne suis pas sûr que tout ce qu'on veut y soit, mais je pense que ça permettra de faire un certain nombre de choses intéressantes. Et alors, oui, c'est quoi la phrase « Passaro bisavo toca o toneca », c'est ça? Oui. Ou passaro bisavo, donc c'est l'oiseau arrière-grimpé. Oui. Sur tonek, c'est un prénom. Tape le petit tonneau, plutôt, c'est plutôt ça qu'il voulait dire, ou tape du bec. Hein, oui. Tonek, oui. Tonek, c'est le diminutif de Tony. Oui. C'est, je ne sais pas qui a inventé les phrases, donc... C'est curieux comme phrase. Oui. Mais je pense que pour toutes sortes de raisons qui sont liées, vous avez les codes de tout ce qui vous est donné, les raisons sur les phrases. Moi, je parle portugais du Brésil, je ne me mêlerai pas de parler du portugais du Portugal. Mais même en portugais du Portugal, c'est le... Je pense que c'est une phrase qui est fabriquée probablement pour conditionner le contour prosodique. Donc... Et vous avez les patrons de durée qui vous sont donnés. Donc, j'en ai trouvé des plus bizarres que ça aussi. Donc, c'est grammatical, mais c'est bizarre. Non, on est d'accord. Mais il faut, je pense qu'à ce moment-là, on peut s'adresser directement à la personne qui a fait l'enquête et demander de justifier les choses. Moi, je l'ai fait pour des choses qui étaient liées aux Galiciens, où il y avait des choses qui me paraissaient assez bizarre. On peut en prendre une autre, hein, si vous voulez, on va prendre... Donc il y a un corpus de phrases qui a été fait pour couvrir toutes sortes de patrons prosodiques. Donc parfois, vous avez des choses, par exemple, je suis à peu près sûr, on va prendre cette phrase-là, la 57. Alors en général, quand on vient sur les parcours français, il va vous dire qu'elle n'existe pas. Alors voilà, cette structure syllabique est inadmise, voilà, dans la variété linguistique choisie. Donc ça n'existe pas en français. Alors on va regarder... Je sais pas, on va retourner en sarde, par exemple. Alors. Écoutez la forme. Transcription non disponible, mais on devrait peut-être avoir là. Alors. Pause. Je fais ma phrase. Bon, ben manifestement, on n'a pas ici. On va reprendre une autre phrase et un autre point d'enquête. 52, je ne sais pas. On va prendre la région de... Alors, j'ai déjà ça. Qu'est-ce qu'il me donne rien? C'est évidemment toujours les transcriptions non disponibles. Je m'en fous, mais je vais écouter la répétition. Bon. C'est évidemment l'effet démonstration, ça. Donc, mais donc, vous avez un attelage, on va prendre une phrase en portugais de nouveau, parce que je... C'est bizarre qu'en fait, ça ne soit pas... Ou alors, je pense à des données qui n'ont pas encore rentré. C'est quelque chose qui est en élaboration constante. Donc, c'est possible que j'ai été trop loin dans le corpus. Alors, on va prendre la phrase 22, tout à fait au hasard, et on va prendre un point d'enquête, celui-ci. Et j'espère qu'on aura un peu plus de succès. Non. Oui. Voilà. Donc ici, on en a un qui est Braga au Portugal. Donc tout le monde connaît ça. Ici. Voilà. Voilà. Donc je pense que c'est pour contraster sur les mêmes. Si je comprends bien, c'est pour contraster sur les mêmes phrases un certain nombre de choses. Voilà. Donc ben voilà. Donc en fait, si ça vous intéresse, je pense qu'il y a une grosse demande aussi de critique et de collaboration sur ce genre de choses-là. Mais donc ça, c'est à partir de corpus sonores qui ont été imaginés sur des données relativement anciennes, et on peut même aller maintenant, si vous voulez, sur l'Amérique du Sud pour vous montrer tout. Donc l'idée, c'est de couvrir l'espace roman et de faire un atlas prosodique et de retravailler surtout les contours prosodiques en phrases déclaratives et phrases interrogatives. Alors, voilà, ça va revenir. C'est toujours très pénible d'avoir à présenter des choses comme ça, mais... Alors, attendez, on va revenir à l'arrière. Je crois que le plus facile, ça va être de faire ça. La méthode brutale est toujours la plus efficace comme ça. J'ai une question. Dites-moi. Il y a l'Amérique du Sud. Oui. Il n'y a pas l'Afrique. Il devrait y avoir l'Afrique, mais je pense qu'en fait, pour l'instant, c'est Michel Contini qui a coordonné ça. Donc il est parti de l'idée de l'Europe, puis tout de suite, des Sud-Américains ont dit « Oui, mais nous, on est dans l'espace romain aussi, on veut absolument y être. » Donc ça a été commencé il y a une dizaine d'années. Alors, l'idée, c'est, pour les phrases bizarres qu'on vient de voir, je pense qu'elles s'expliquent, maintenant je commence à reconstituer l'histoire, c'est qu'on a essayé de reprendre des patrons où on devait contraster phrases interrogatives, phrases déclaratives interrogatives, pour essayer de contraster des choses au niveau de rythme, d'intonation, etc. Donc il y a des choses qui paraissent un peu artificielles, mais globalement c'est pour avoir des choses qui peuvent se comparer. Dans se comparer entre elles, avoir les types de structures et dans les différentes langues. Alors sur l'Afrique, j'en ai entendu parler récemment, parce que des Africains ont dit « Oui, mais nous, on est aussi dans l'espace roman. » Alors là, il y a un autre problème qui est intervenu et qui est en grande discussion par les collègues qui travaillent sur ce projet-là, c'est d'essayer d'arriver à dire comment va-t-on définir l'espace roman de manière non colonialiste sur le continent africain. Et je pense que c'est tout sauf évident. Parce qu'il y a effectivement, je pense, que d'une série de collègues africains qui, de manière complètement légitime, disent « Mais écoutez, nous, on parle le français, y compris comme langue maternelle parfois. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire partie de ce genre d'espace-là » je pense que c'est une demande qui est légitime. Moi, je pense qu'il serait plus efficace que des collègues africains prennent, je dirais, la partie de la classe en charge. Et pour l'instant, en fait, il n'y a pas grand monde qui s'est porté volontaire. Je pense qu'étant donné un autre problème qui est apparu dans tous ces atlas, c'est les problèmes de droit d'auteur. Et là, on devient vraiment... Je sais que Contini devient fou. Parce que, par exemple, par rapport à l'Europe, vous avez l'Espagne où tous les points d'enquête ont été faits, l'Italie où tous les points d'enquête ont été faits, et où l'Espagne, en fait, pour des raisons qui sont bizarres, les Espagnols ne veulent pas, pour l'instant, mettre à disposition sur le web leurs données en disant qu'il faut protéger les informateurs. Alors, les informateurs, ici, on donne leur nom, puis on a proposé de les mettre anonymes, donc il y a un débat duquel je ne fais absolument pas partie, je vous le dis tout de suite, qui est en jeu, qui est en cours maintenant, c'est de savoir comment est-ce qu'on va pouvoir restituer sur le web, parce que l'idée c'est de mettre ça en permanence sur le web. Aujourd'hui on a fait un DVD pour montrer que le travail est en cours et avance, mais l'idée c'est de mettre ça sur le web à disposition de tout le monde. en protégeant les sources, en protégeant les informateurs, et c'est un énorme problème, ce genre de choses. Protéger le petit Tony aussi. Il faut surtout protéger le petit Tony qui se fait taper dessus dans toutes les langues. Ah oui, mais il y en a. Oui, mais. Donc il y a un certain nombre de choses comme ça. Alors sur les points d'enquête sur l'Amérique, on va regarder ça tout de suite, vous allez voir. Je n'ai même pas encore. Bon, mais voilà. Donc en fait, ils ont commencé sur le Brésil. Il y a un certain nombre. Donc c'est le Brésil qui était impliqué dedans. Il y a des choses au Chili. Je sais que la Colombie s'y est mise récemment aussi. Et le Mexique est déjà très avancé aussi. Donc c'est quelque chose qui est en cours d'élaboration. Et l'idée, c'est de faire des atlas parlants sur un certain nombre de problèmes qui devraient permettre aux gens de pouvoir faire des toutes sortes de travaux et d'avoir des données pour faire des travaux linguistiques intéressants. On peut regarder. Hein. Allez, on va regarder. Ça doit être la ville où j'ai travaillé pas mal, Porto Velho. Je n'ai jamais regardé ce qu'il y avait à Porto Velho. Ça m'intéresse. Comment ? Oui. Alors, on va regarder ça. Humaita. Humaita, c'est encore plus intéressant. Alors, regardez, ce point-là, il est complètement fou. Parce que c'est Humaita. Alors, si vous avez entendu la grande controverse qu'il y a sur cette langue, sur le Pirahan, qui est une langue qui n'aurait soi-disant pas de récursivité, la région où le Pirahan est parlé, c'est à Humaita. Je ne sais pas qui a fait cette enquête-là. On va voir. O pássaro gosta do bisavô bêbado. O pássaro gosta do bisavô bêbado. Donc je pense que c'est de nouveau une phrase construite pour avoir des... Alors, en forme interrogative. Alors. Bon, c'est probablement moi qui n'y arrive pas complètement maintenant. Alors, on va regarder à Salvador. Alors, Salvador. Alors, vous avez de nouveau João de Moraes, qui est une... Donc, et alors, le Brésil a le chic de ceci, c'est qu'en général, on a une autorité qui donne son nom pour couvrir les choses, mais qui a fait travailler ses étudiants, ce qui fait beaucoup discuter. Donc, o pássaro gosta do bisavô bêbado. Donc, c'est une phrase de nouveau. C'est très brésilien, ce genre de choses-là. Voilà. Et donc l'informateur est en train de se marrer en faisant la chose et la forme interrogative. Donc c'est des choses qui ont été faites pour constituer les choses. Donc l'Almura s'est fait sur ce, dans cette idée-là pour les pour pas seulement sur la prosodie. Donc ça s'est fait sur la prosodie des langues romanes et donc voilà sur des sources de documents sonores. Et donc ça, c'est essentiellement ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Je pense que je n'ai pas grand-chose d'autre à vous montrer maintenant. Donc ça, c'est l'idée de l'espace roman. Donc je vous laisserai les documentations ici. Et je vous laisserai les documents sur Tony Trail, ce qui s'est passé au désert du Kalahari. Et juste pour vous montrer comment les bâtiments évoluent aujourd'hui, c'est une photo qui a été faite par Tony Trail, qui, dans les dernières années de sa vie, retraçait les chemins de chasse des bâtiments en utilisant des GPS pour voir les choses. Donc, les bâtiments sont devenus très, très, très, très habiles rapidement avec les GPS pour reconstituer les terrains. Voilà, donc ça, c'est ce que j'avais à vous raconter. Donc, on peut continuer à discuter un peu comme vous voulez. Et je mets, vous pouvez avoir toutes ces données-là. Je vais juste vérifier qu'il n'y a pas l'une ou l'autre référence photographique que je dois mentionner, mais je pense que tout est à moi, ce sont des données qui viennent de référence que je vous donne, donc il ne devrait pas y avoir de problème pour mettre ça en évitant des ennuis de droit d'auteur et des choses de ce type-là. Merci. Voilà. Merci. Je n'ai pas très bien compris dans la dernière partie là, sur l'atlas linguistique. On cherche des gens qui parlent des dialectes, c'est ça ? L'idée, c'est de partir des grandes langues et puis d'aller plus progressivement vers les dialectes. En fait, sur la place prosodique. Hein. Oui. Donc l'idée c'est de dériver le plus vite possible vers les dialectes. Alors apparemment, au départ, ça a été fait de manière très efficace sur l'Espagne et le Portugal. Et puis les autres régions européennes ont été plus lentes, mais c'est d'avoir une idée de la variabilité des structures prosodiques dans l'espace commun. Ça, c'est la philosophie globale. Et donc, il faut des armées de soldats pour faire ça. Enfin, je me permets l'expression des armées de soldats, mais il faut des gens qui sont disposés à y passer du temps, à aller enregistrer les choses, à les transcrire, à les, à les mettre en forme. Et il y a quelqu'un à Grenoble qui, chaque fois qu'il récupère les données, les met en forme et les met à disposition sur le réseau. Justement, si je me souviens bien, sur la France, les trois points d'enquête sont en zone 2. Oui, oui, mais... Et c'est du français, c'est de l'OC, c'est quoi? C'est du LOC qu'ils ont dessus. On peut récupérer, on peut retrouver des choses dessus. Mais le problème, c'est qu'en France... Oui, mais le gros problème qu'on a en France, apparemment, aujourd'hui, c'est d'arriver à trouver des points où on peut vraiment faire du travail. Parce qu'aujourd'hui, les gens disent « mais il n'y a plus de dialecte en France ». Donc, ce qui est, je pense, essentiellement faux. Mais il faut vraiment pouvoir avoir des personnes qui sont prêtes à aller... c'est clair que si vous allez dans un bistrot parler à des jeunes, vous n'allez pas avoir de l'occitan ou du franco-provençal, sauf à certains endroits. Donc il va falloir vraiment commencer à gratter pour avoir les données là-dessus. Donc sur la France, il y a une série de problèmes qui sont de savoir comment récupérer des données, avec quelle pertinence, est-ce que c'est des données anciennes, des données récentes, qui va faire, où on va aller. Et donc le simple fait d'aller faire des enquêtes en franco-provençal, maintenant on a des étudiants qui le font à Grenoble, font que d'abord les étudiants sont très réticents à le faire parce qu'ils trouvent que c'est ringard et que ça, c'est pas très intéressant. Et ça prend du temps parce qu'il faut les trouver les vues, il faut les convaincre, il faut parler, il faut enregistrer. Et tout ça n'est pas très facile à faire. Mais l'idée, c'est d'arriver au maximum à faire un travail comparatif là-dessus. Donc c'est surtout Jean-Pierre Lay et Michel Contini qui sont impliqués là-dedans. Et chaque pays européen a un comité en pair qui coordonne les choses et ils se réunissent une fois par an pour mettre toutes les données ensemble. Donc le travail qui est ici, c'est en fait le travail qui montre l'avancement de 10 ans. Donc voilà. Merci. Est-ce que la question est quelque part double? D'une part, j'y pensais tout à l'heure quand tu nous montrais l'atlas linguistique de la France, le point le plus proche d'enquête de Gilliron est à Ingré, c'est à 4 km au est-nord-est d'Orléans, est-nord-ouest d'Orléans. Et c'est un point d'enquête, aujourd'hui on peut y retourner, mais si on trouve quelqu'un qui parle encore quelque chose qui serait du français du coin, moi ça m'apparaîtrait plus artificiel qu'autre chose. C'est vraiment les derniers locuteurs, c'est le gauchinant, quoi, c'est oui. Les derniers locuteurs. Et à la limite, ça me semblerait, enfin peut-être parce qu'on est plus sociolinguiste ici, plus intéressant d'avoir de la variété. Mettons des communautés d'immigration deuxième génération qui parlent avec un substrat et qui ont des prosodies quand même très particulières. Quand on caricature aujourd'hui du français beurre, on va le faire massivement avec de la prosodie, bien plus qu'avec du lexique, que d'aller chercher le dernier des mohicans. Enfin, oui. Mais ici, moi je pense que sur l'atlas linguistique de France, il va falloir se résoudre. On a un projet qui s'appelle Géomatique Cartolect maintenant, avec des gens du laboratoire d'informatique de Grenoble et de La Rochelle, qui est un groupe de géographes très efficace sur ces problèmes de cartographie. Et donc, eux, quand ils ont commencé à travailler avec nous, se sont dit, on va faire un atlas parlant de la France. Et la première réunion de travail qu'on a eue avec eux, ils sont arrivés avec cette carte. On est arrivé avec la carte de Gilliron qui est ici. Donc, eux rêvaient d'avoir sur chaque point, on allait cliquer sur chaque point et on allait pouvoir entendre un tas de choses. Mais on leur a dit, mais vous savez, Gilliron, c'est 1910. Il y a plus d'un siècle, et donc... C'est la force de l'intérieur, ça. C'est ça. Oui, et c'est il y a 100 ans. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des endroits où on ne parle plus ces langues-là, il n'y a plus de personnes. Donc, par contre, on a des transcriptions phonétiques de tout. Donc, une des idées, si on fait l'atlas parlant de ça, ce serait d'avoir des bons phonéticiens qui sont capables de produire des choses crédibles, et de faire un atlas parlant à partir de mots produits par des phonéticiens qui diraient, c'est à peu près ça que ça devrait... Alors, est-ce qu'il y a un intérêt à le faire ou est-ce qu'il n'y a pas un intérêt à le faire? Personnellement, je ne suis pas convaincu que ça vaut vraiment la peine de le faire. Je pense que ça vaudrait peut-être la peine d'essayer de récupérer des données là où on peut les récupérer, quitte à ce que ce soit incomplet, et à passer à des choses contemporaines pour refaire un maillage de la France contemporaine comme ça. Ça, ce serait plus intéressant. Et comme on parlait de documents anciens, je discute de documents anciens maintenant. Mais ces problèmes-là sont tous sauf triviaux, c'est pas tout ou rien. Il y a vraiment des décisions à prendre, et par rapport aux documents phonétiques et aux documents historiques, il y a vraiment des choses importantes. Par exemple, si vous regardez les bochimans dont on discutait tout à l'heure, il y a des enregistrements qui ont été faits en 1954, ce n'est pas si vieux que ça, entre guillemets, mais c'est encore fait sur des rouleaux Edison en 1954, Et c'est le dernier survivant d'une langue, parce qu'il y a quelqu'un qui a eu l'idée de dire c'est le dernier, donc je vais l'enregistrer. Donc le dernier de toute une série de langues des Boshima, on les a. On n'a pas enregistré le dernier du Berry ou le dernier de ces régions-là. Donc c'est des choses comme ça qui sont assez compliquées à mettre en place si on veut faire des atlas parlants. Donc on parlait de documents sonores, donc la question on se pose maintenant, c'est si on veut faire un atlas parlant de la France, est-ce qu'on le fait dans une dimension historique ou est-ce qu'on le fait dans une dimension contemporaine? Le fait dans une dimension contemporaine nécessite, à mon avis, un travail colossal dans lequel il y a une série de coordinations de choses, de personnes qui doivent être faites, dont je ne suis pas sûr que qui que ce soit est prêt à se mettre comme coordinateur de la chose, en tout cas pas moi, ça c'est sûr. Mais alors la question, moi je pense que la question intéressante dans des choses plus régionales comme le franco-provençal dont je parlais tout à l'heure, là il y a des choses intéressantes, qu'on peut voir des processus historiques. Moi je pense que l'intérêt de ça c'est de se dire qu'est-ce qu'on peut tirer de ça pour comprendre la variation, comprendre des évolutions historiques. L'évolution de Cabra vers Chèvre, on vous la présente comme une évolution qui va du latin vers le français contemporain, vous l'avez localement dans cette région-ci de la France, y compris par des locuteurs actuels. Donc ça, c'est quand même pas des choses triviales, ce genre de choses-là. Donc si on peut avoir des documents sur des évolutions historiques comme celle-là, ça vaut la peine de les avoir. Donc à mon avis, il faut travailler plus au cas sélectif qu'à vouloir tout faire. Enfin, c'est mon avis personnel. Mais donc il y a des choses à faire sur ce genre de choses-là. Une question, quelqu'un qui parle, une région qui parle un dialecte français, d'autres, je ne sais quoi, sa langue se perd, ça va quand même laisser des traces, ça va être remplacé par du français dans lequel il y aura des traces d'accent, etc. Quand un Boshiman perd sa langue, comment ça se passe? Il passe à l'Afrikaans, à je ne sais quoi, et est-ce que ça laisse des... les langues qu'il a abandonnées, Sur les Boshimans, je pense que la situation est beaucoup plus simple que celle qu'on verrait sur le français. Les Boshimans, de manière assez brutale, ou bien ils meurent, ou bien ils continuent à parler leur langue. Donc, éventuellement, s'ils parlent l'Afrikaans, comme dans le cas que je vous ai montré tout à l'heure, où en fait on devait donner les mots en Afrikaans, parce que probablement ils étaient employés, entre guillemets, dans des fermes de bourgs sud-africains, ils parlaient l'Afrikaans et leur langue. Donc, cette personne-là, quand elle disparaissait, la langue s'éteignait et puis c'est tout. Mais donc, je n'ai pas connaissance, moi personnellement, de cas qu'on m'ait dit, ce qui ne veut pas dire que c'est impossible, de Boshimans qui auraient abandonné leur langue pour ne parler que l'Afrikaans. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un seul cas répertorié comme ça. Ça, c'est une situation étonnante. Mais c'est étonnant et pas étonnant, parce qu'en fait, les Boshimans ont été tellement marginalisés que de toute façon, pour des questions de cohérence, hein, de cohérence propre entre eux, ils ont continué à communiquer dans leur langue, même s'ils parlaient afrikaans ou anglais dans certaines régions. Mais à ma connaissance, on n'a jamais décrit des cas de Boshimans qui n'auraient parlé que l'afrikaans ou que l'anglais. Et c'est d'ailleurs assez fréquent en Afrique centrale aussi, hein, où les gens deviennent plutôt multilingues que le fait d'abandonner leur langue propre. Il y a quelques cas comme ça. Le cas des fameux Amadi, par exemple, ça, ce sont des gens qui ont adopté la langue des conquérants Mangbetu, qui ont abandonné une langue qui était le Boa, une langue bantoue. Il y a une influence des langues bantoues sur le Boshima, c'est pas une communauté. Si je me souviens bien, la colonisation de Bantou, elle est assez récente finalement. Oui. Alors là, il y a un grand débat pour l'instant. D'où viennent les clics du Zoulou, du Xhosa et de ces langues-là? Alors, il n'y a aujourd'hui pas d'explication. Donc on a dit oui, c'est des emprunts. Mais quand même, on peut emprunter des mots de lexique. Mais de là à emprunter des sons comme les clics, c'est plus compliqué à expliquer. Alors c'est oui, mais le contact, etc. Mais tout ça ne suffit pas à expliquer pourquoi on a emprunté des clics. Et une explication probable, maintenant, je peux même vous le démontrer si vous voulez, c'est que dans toutes les langues qui sont parlées à partir du Rwanda, donc de la zone interlacustre Rwanda, Burundi, vers la région des Shona, tout le sud du Congo, le Katanga, le nord de l'Angola, la Zambie et le Zimbabwe, et chez ces régions-là, il y a des tas de cas de clics épiphénoménaux. C'est-à-dire que quand vous avez des suites, par exemple, de... Allez, je vais vous en faire entendre un exemple, je pense que ce sera plus facile. Je sais où le trouver, donc ça ne prendra pas des heures. Où vous avez l'apparition de clics, vous avez une consonne N qui va être suivie d'une consonne Ng. Donc c'est une consonne antérieure suivie d'une consonne postérieure. S'il y a un recouvrement entre l'articulation du N et du Ng, vous allez avoir un burst qui va apparaître entre les deux, qui va être interprété comme un T par les, qui a été interprété comme un T par les Européens, alors que phonétiquement et acoustiquement, c'est un clic. Et il y a des dizaines de cas comme ça. Il y a des cas maintenant de langues bantoues qui sont parlées en Zambie, dans le nord de l'Angola, qui sont des langues bantoues dans lesquelles on a des clics qui n'ont rien à voir avec des phénomènes d'emprunt, qui sont simplement le résultat de processus phonétiques tout à fait classiques. Donc moi, je pense que la vraie explication pour la présence de clics dans les langues comme le Zoulou, etc., c'est que par le contact avec les bochiments, il y a une sorte d'amplification du bruit de ces clics épiphénoménaux qui fait que c'est devenu vraiment des choses qui sont devenues beaucoup plus évidentes. Dans le cas du Rwanda, ben, je vais vous montrer ça tout de suite. Ça devrait se trouver ici. Attends. Oh, ben ça a dû se... Oui, ça a dû se passer sur... qu'est-ce que j'ai fait avec mon truc maintenant? J'ai vu que j'avais fait une connerie. Alors, normalement, vous allez entendre ça maintenant. Donc c'est un truc qu'on a fait, c'était ici à Johannesburg, et je vais vous faire entendre ça. Voilà. Donc, j'avais dit que je ne ferais pas un cours de phonétique, mais je suis coincé. Donc si vous regardez ici, c'est une phrase, c'est un mot qui est, c'est Ingwaro, hein, et vous avez ici, c'est souvent écrit avec un T, c'est Ingwaro. J'exagère maintenant, donc vous avez le point d'exclamation qui est un clic alvéolaire. On devrait l'entendre. On entend le petit burst qui n'est pas très important, mais il est là. Donc vous avez N et vous avez le Ng, et il y a un burst entre les deux. Donc il n'y a pas de T, il y a un relâchement qui est en explosion, qui est phonétiquement... un événement tout à fait particulier dans ce cas-là. Et donc, en fait, on a des tas de clics épiphénoménaux comme ceux-là, et qu'on retrouve dans toutes les langues bantoues qui sont dans cette région-là. Donc, ça a été décrit par les africanistes européens comme un T. Et donc, cet homme organiquement, c'est le clic qui correspond à T. Donc, c'est tout à fait compréhensible que ça soit comme ça. Donc, un Européen qui n'est pas habitué à entendre un clic, ben, il va avoir un T. Et puis je me suis dit que c'était peut-être juste parce qu'on avait quelques informateurs comme ça. J'ai enregistré 50 Rwandais qui font les choses. Et donc c'est des choses qui apparaissent parfois n'apparaissent pas. Et vous avez deux possibilités. Donc soit vous avez donc ce burst épiphénoménal qui apparaît, soit vous avez quelque chose encore plus particulier. Vous avez une espèce de vocoïde qui s'est introduit entre le N et le Ng. Ça donne ceci. Et on retrouve ça dans des tas d'autres exemples. Par exemple, vous avez ici un clic bilabial qui apparaît ici, donc entre les deux. Donc peut-être qu'on entend mieux, je ne sais pas. C'est ici entre le deuxième. Il y a d'autres exemples. Attendez, je peux encore vous en montrer d'autres. Je ne vais pas vous faire un cours sur ça. Mais vous avez par exemple ici un mot qui est le mot pour chien, imga. Hein, donc c'est lié à des phénomènes de vélarisation qui sont très connus dans toutes ces langues-là. Et donc ce que vous avez ici, c'est... On entend le burst à la fin du M, écoutez bien. Et vous avez une autre réalisation avec le petit vocoïde. Imga, et l'autre, en fait, on entend le burst. Et donc, en fait, ici, ce burst qui est ici, il est entre un M qui est voisé et un G qui est voisé, mais il n'y a pas de burst, normalement, à la fin d'un M. C'est simplement parce que le M et l'articulation du M et du G s'est recouverte, que le M s'est relâché avant le G, et on a un burst qui apparaît là-dedans. Donc moi, je pense que pour l'explication, pour la propagation des clics dans les langues bantoues de l'Afrique du Sud, vient du fait que ces phénomènes-là étaient déjà présents dans les langues bantoues, donc dans le Zoulou et dans tous les migrants vers la partie sud, et que le contact avec les Bochimans n'a fait en fait qu'une sorte d'amplification de ces bruits-là par un contact linguistique, et pas du tout des phénomènes d'emprunt. Il n'y a d'ailleurs aujourd'hui personne qui a jamais été montré, capable de montrer un quelque mot d'emprunt du bantou en Khoisan. Personne n'a jamais réussi à le faire. Alors quand on va gratter un peu plus loin, on dit « Oui, mais peut-être dans les vocabulaires spécialisés, les trucs rituels, les termes botaniques. » Toujours pas. Donc même en grattant là, on n'y arrive pas. Donc il y a une autre explication, et je pense que l'explication, c'est une question de changement phonétique lié à des contacts linguistiques, ce qui n'est pas du tout étonnant quand on regarde l'histoire des langues. C'est beaucoup plus simple que ce qu'on pense, je pense. Ce sont des clics expirés. Ce sont des clics comme les clics classiques, oui. En fait, c'est pour ça que je donne les données aérodynamiques ici. Mmh. Regarde, en fait, on va prendre l'exemple suivant, il est plus facile à interpréter. Par exemple, ici, tu as donc cet exemple-là. Donc tu as la pression intraorale ici, tu as le débit d'air nasal et tu as le débit d'air buccal. Donc en fait, s'il y a une raréfaction de l'air à l'intérieur de la bouche entre le N et le Ng, ben, elle est visible ici. Donc il y a une diminution. Donc en fait, si tu as entre N et Ng, s'il y a un recouvrement des deux articulations et qu'il y a une petite augmentation parce que la langue recule un petit peu, on va avoir une raréfaction de l'air qui va être produite à cet endroit-ci. C'est ce qu'on peut voir, c'est ce qui est marqué par la petite flèche rouge ici, qui est exactement entre le N et le Ng. Et c'est exactement l'endroit où on l'attend. Donc ça veut dire qu'au moment du relâchement, tu as de l'air qui rentre et pas de l'air qui sort. Mais il n'entre pas au niveau pulmonique, il reste dans la bouche. Il reste dans la bouche, oui, puisque le Ng, la nasale velaire, ferme toujours l'arrière du conduit vocal. Ton exemple à aboyer, c'est sur le chien. Oui, le chien, c'est. Le chien, attends. C'est du Rwanda. Hein. Voilà. Ben, regarde. Dans un certain nombre de langues bantoues, je parle, c'est aboyer, chien, c'est mboi. Oui, voilà, regarde. Donc, ça, c'est le proto-bantou, ça, c'est la forme. C'est avec ça qu'il faut analyser l'apparition du clic, oui. C'est ça. Donc, en fait, ça, c'est la forme proto-bantou ici. Ouais, voilà, ça, c'est les évolutions du proto-bantou. Ouais. Et donc, si tu veux, c'est quand tu as le mga, donc c'est une vélarisation progressive qui va créer les conditions de ce genre de choses. Ça m'a frappé parce que j'explique à mes étudiants que aboyer en français, ça vient du proto-bantou. Voilà, donc c'est. Et regarde, en fait, les variantes en Rwanda, hein, tu as ça, la forme phonologique que m'est donnée en Rwanda aujourd'hui, ça, c'est les variantes phonétiques, et ça, c'est la même chose pour le Shona. Donc, toutes ces langues-là ont ces phénomènes-là, et on peut les regarder, c'est très, très courant. Voilà. Et dans les clics que tu réalisais, par exemple, toi, au début, quand tu parlais des langues bantoues, c'était bien tu faisais en respiration jusqu'à l'arrière, Mais tu en fait, attends, je vais vous montrer un exemple de clic. Parce qu'en fait, tu n'as pas d'inspiration. C'est en fait, attends, je vais le montrer, je pense que c'est plus simple à le montrer en vrai. Et je peux faire ça tout de suite. Ça va me prendre 30 secondes pour trouver l'exemple. Je vais vous montrer un film de Rayon X qui est fait sur quelqu'un qui produit un clic. Alors, voilà. Je vais vous montrer ça. Je me suis amusé à faire pour la fête de la science à Grenoble une espèce d'atlas phonétique, enfin d'illustration parlante de l'alphabet phonétique international avec toutes sortes de choses bizarres. Alors je vais vous montrer ceci. Voilà. Non, c'est pas celui-là que je vais vous montrer. Celui-là, il va de nouveau nous ennuyer sinon. Voilà. La production d'un clic. Donc ce que vous allez voir, c'est... Voilà. Donc ça, c'est le dos de la langue. Et ça, c'est la pointe de la langue. Alors, ce qui se passe, c'est que, donc on voit très bien ce qui se passe en fait. On a donc le dos de la langue qui se met contre le voile du palais et la pointe de la langue qui touche à l'avant. Donc ça fait quelque chose comme ceci. Pendant la double articulation, j'ai même un film ralenti, je peux vous montrer. Pendant la double articulation, il se passe ceci, c'est que il y a donc pendant le double contact, en fait le volume qu'il y a entre les deux augmente. Si on relâche la partie avant, la pression qu'il y a dans ce volume d'air est devenue inférieure à la pression atmosphérique et l'air rentre dans le conduit vocal. Donc un clic n'est jamais expiré. En fait, ce qui est expiré, c'est la consonne vélaire ou uvulaire qui vient après le clic. Mais le clic lui-même, c'est un bruit d'inspiration qui rentre dans le conduit. C'est un bruit qui est produit par le fait de l'air qui rentre dans le conduit vocal parce que la pression est devenue inférieure dans le conduit vocal à la pression atmosphérique. Alors j'ai encore un meilleur exemple que ça. Si vous voulez vraiment tout voir, alors j'ai une décomposition de ça. J'avais dit que je ne ferais pas de phonétique, mais je pense que je suis foutu aujourd'hui. Attendez, voilà. Je vais vous donner ça, ça va être très très vite fait. Ça. Je pense que ça doit être ici. Vous montrer. Donc si on prend un clic, regardez, en fait ça marche comme ceci. Donc vous avez deux fermetures, 1 et 2, d'accord? Alors ce qu'on fait dans un deuxième temps, ben, entre les deux fermetures, la langue recule un petit peu et ça baisse, ce qui veut dire que la pression ici, elle diminue. Et puis dans un troisième temps, comme on relâche la partie avant la partie postérieure, il y a de l'air qui rentre dans le conduit vocal. Parce que la pression atmosphérique est supérieure. Et donc, ce n'est qu'une fois qu'on a relâché ceci, c'est-à-dire après la production du clic, qu'on a de l'air qui est expiré. Donc, tout le monde sait faire ça. Hein. Tout le monde fait ça tout à fait naturellement. Si tu fais, et si je fais, tu as de l'air qui, c'est de l'air qui rentre dans le conduit vocal et pas de l'air qui est expiré. Non, c'était sur le... Je suis complètement d'accord sur le phénomène d'aspiration. J'ai compris où j'allais plus. C'est que pour moi, je pensais que l'inspiration continuait, c'est-à-dire que l'air repartait jusqu'au poumon. Non, pas du tout. En fait, tu l'arrêtes au niveau du palais. L'air s'arrête ici, et après ça, ça reprend le flux pulmonaire, reprend ses droits normaux, si je peux me permettre l'expression. Voilà. Non, ça c'est d'une trivialité incroyable à produire. Tout le monde fait ça sans problème. À expliquer ce genre de choses-là, ben, il a fallu presque 50 ans de travail par les meilleurs phonéticiens pour le faire. Et pas par des ingénieurs, et pas par des physiciens, par des vrais phonéticiens. Donc, c'est-à-dire toute l'école de Londres où il y avait Tucker, Beach, Doak et Tony Twill qui a fini par montrer ça à partir de documents de rayon X. Voilà. Bon, j'enlève la phonétique, je suis honteux de vous avoir montré ça. Non, mais je faisais un parallèle, même s'il est lointain, mais néanmoins, avec la mise en évidence de la tonogénèse, c'est-à-dire que les tons ne sont pas une propriété inhérente des langues, mais un phénomène qui est possible en acquisition à un moment donné pour des raisons comme moi. Et je me disais, oui, là, c'est quelque chose comme de la clicogénèse, si on peut dire ça comme ça. Ah, sur les clics, il y a des choses extraordinaires sur les changements phonétiques sur les clics. Donc, en fait, on a deux types de phénomènes. Soit, et ça, il y a des données, c'est pour ça que ça nous intéresse tellement d'avoir ces données historiques. D'ailleurs, ce n'est pas impossible que dans la présentation que je vous ai montrée aujourd'hui, il y ait un bon exemple de ça. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe dans l'évolution historique des clics? Soit un clic change pour un autre clic, soit un clic ne devient plus un clic. Donc c'est ce qu'on appelle la perte de clic ou le changement de clic. Bon, ça, ce travail de comparatif a permis de montrer des choses étonnantes. Je ne sais pas si l'exemple est ici, mais sinon, je peux vous en donner un très très vite. Donc, ici, le seul exemple que je pourrais avoir, c'est ici dedans. C'est ici. malheureusement, j'ai pas d'exemple clair de ça ici. Si, il y a un exemple ici. Si vous regardez le clic alvéolaire qui est ici, il correspond à une consonne uvulaire en capcoué, et évidemment le mot n'est pas bon ici. Donc en gros, ce qui se passe, c'est pas assez clair comme. Si on a un clic qui devient un autre clic, ben ça pourrait être un clic alvéolaire qui devient un clic latéral ou des choses comme ça, changement phonétique classique. Le cas plus intéressant, c'est quand un clic, par exemple, si vous avez le clic alvéolaire, qu'est-ce qu'il devient historiquement? Est-ce qu'il devient n'importe quoi? Est-ce qu'il devient zéro? Eh bien, la réponse est non, ça devient toujours une consonne vélaire sourde. Que. Alors, ce qui est très intéressant dans ce changement de l'alvéolaire pour la vélaire sourde, c'est que si on enregistre un bruit de clic, par exemple, donc un clic alvéolaire, et qu'on diminue de 10 décibels l'intensité du clic alvéolaire, on n'entend plus un clic alvéolaire, mais on entend une consonne vélaire sourde. Et donc, il y a une sorte de relation entre l'intensité d'un clic et, je dirais, la salience acoustique de ce clic-là. Donc, si on regarde dans les langues Kwe et dans les langues San, un clic alvéolaire devient toujours une consonne vélaire sourde, jamais autre chose. Donc, c'est prévisible de savoir ce qui va se passer comme changement phonétique. Et l'explication, on se dit, mais comment est-ce qu'un quelque chose d'alvéolaire va devenir quelque chose de vélaire? Et en fait, ce n'est pas en termes de lieu d'articulation, c'est en termes d'interprétation. C'est un peu comme dans le cas de la tonogenèse, c'est-à-dire c'est d'une réinterprétation d'une quelque chose d'acoustique qui est déjà présent dans le signal. Et c'est Trail qui a montré ça de manière... Il a fait des expériences de perception pour le montrer, y compris avec des bochements. C'est fantastique comme travail, ça. Donc c'est donc... Et c'est pour ça qu'avec la question qu'il y avait là tout à l'heure sur les clics dans les langues d'Afrique du Sud, donc si c'est vrai que diminuer l'intensité d'un clic peut le faire devenir une consonne occlusive, je dirais normale entre guillemets, ben une consonne occlusive normale, si elle devient plus intense, peut être perçue comme un clic. Et ça, c'est une des grandes contributions de Trail, c'est d'avoir dit, je ne comprends pas tous ces gens qui s'excitent sur les clics, qui voient ça comme des choses tout à fait extraordinaires, ce sont des consonnes comme les autres, elles sont juste plus intenses que les autres. Et aujourd'hui, on commence à comprendre ce qu'il voulait dire à partir de ça. Ce sont des consonnes comme toutes les autres, elles sont juste plus intenses que les autres, c'est tout. Donc, la plus grande complexité du geste articulatoire. Écoute, honnêtement, je ne sais pas ce qui est plus compliqué à faire. Est-ce que c'est plus compliqué à produire un clic qu'une consonne éjective, aspirée, comme on trouve dans les langues des Andes, ou comme une consonne éjective, fricative, géminée, comme on trouve en amharique? Je pense qu'au niveau de la complexité du geste articulatoire, tu as au moins autant de composantes dedans. Donc, ça nous fascine parce qu'en fait, le clic, moi personnellement, c'est le graal du phonéticien, donc on est bien d'accord. Mais je ne suis pas sûr qu'en termes de difficulté articulatoire, il n'y a pas des choses plus compliquées que produire des clics. J'ai plein d'oiseaux à vous montrer, hein, si vous voulez. Mais... Bon, il y a des choses qu'ils ont dans les langues qui sont d'une tout à fait étonnantes. Par exemple, encore une fois, Trail avait montré, un des derniers travaux qu'il avait fait, il avait montré l'existence de voyelles qu'il appelait sphinctériques. Donc, alors, c'est parce qu'il n'avait pas trouvé d'autres termes. Donc c'est la différence entre bas. Vous avez donc comme type phonatoire bas. Alors il y a ban, ça c'est trivial. Puis on a bas pour la laryngalisation. Aujourd'hui je la fais bien, je suis enrhumé. Puis vous avez bas pour l'aspiration, bas pour la pharyngalisation et bas. Ça c'est vous voyez le sphinctérique. Et il s'est foutu de moi, j'ai travaillé avec lui 6 semaines dans le Kalahari à un moment donné, et le mot pour la colline ou la montagne en con, c'est « bah ». Et moi, je pensais que le type, il éternuait ou il faisait ou il toussait parce qu'il fumait, il fume tous. Donc je pensais que c'était un truc. Et lui a joué avec moi pour se demander, mais dans combien de temps est-ce qu'il va réaliser que c'était un vrai mot? Et c'est, donc il y a toutes sortes de mots qui sont produits avec ces voyelles sphinctériques. Donc c'est un type phonatoire qui est contrastif là-dedans. au niveau de la complexité de la production de ça, c'est pas trivial non plus. Hein. Il faut faire vibrer les aréthénoïdes contre la base de l'épiglotte. J'allais le faire, justement. Voilà. Je crains que ce soit mal interprété. Oui, mais je veux dire, c'est des choses qui sont... Bon, ça, c'est évidemment des jeux de phonéticiens, donc il ne faut pas me prendre trop... C'est évidemment ce que les phonéticiens cherchent, hein, ce genre de choses-là.